Je crois donc la France riche en même temps d'expériences participatives partout, de très nombreuses initiatives de ses citoyens. Démocratie participative. Je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Nous croyons à la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Les gens n'ont plein de cul des Arabes. L'objectif, c'est relever le défi du métissage. C'est le métissage. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation dans les partis politiques. On va se mettre des obligations de résultat. C'est le métissage. Des Arabes. Rien n'est revigorant autant que le métissage. C'est le métissage. Les Arabes. Bon, ça y est, la France, elle est en train de se métisser, on va vivre avec. Et si on n'y arrive pas, la France va disparaître. Le problème n'est plus là. On peut préserver. La vraie intégration, c'est quand des catholiques appelleront leur enfant Mohamed. Là, c'est plus intéressant. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que nous devons changer. On va changer partout en même temps. Respectons nos patries, mais il y a une nouvelle patrie qui est terre, patrie, la terre. Il n'y a pas de processus de civilisation sans rencontre, contact, métissage culturel. Nous sommes tous par nature des étrangers. La France, ça n'existe pas autrement comme un mélange permanent. Un pays, c'est un hôtel. Respectons nos patries, mais. Un pays, c'est un hôtel. Son avenir, c'est le métissage. L'objectif. C'est le métissage. L'objectif. C'est le métissage. L'objectif. C'est le métissage. Si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Menteur, parisien. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Vous appelez un discours profondément raciste, ce que vous êtes en train de tenir. Rien n'est revigorant autant que le métissage. C'est ce métissage, cette métaphore fausse continuelle, qui est aujourd'hui l'identité française. Il faut l'assumer, c'est ça la République. Je vous demande de vous arrêter. Le peuple juif est un miracle en soi. 4000 ans d'histoire. Et ben cette poignée d'hommes, personne n'a réussi à la détruire. On est encore là, on est encore en vie. Nous les juifs, vous savez au combien c'est grave. Si vous entendez autour de vous que quelqu'un a décidé de se marier avec quelqu'un qui n'était pas juif, que ce soit une femme ou un homme, il faut tout faire pour empêcher ça. C'est ça le vrai crime pour un peuple juif. C'est de ne pas se marier entre nous. Il ne faut être totalement contre les mariages mixtes. Non pas parce qu'on est raciste, mais parce que ce serait faire ce que tout le monde a voulu faire, tout détruire. Nous on est indestructibles. Sur notre terre, on est fiers. Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Regardez, ils se prétendent de race blanche et quand ils se mélangent avec une autre, l'enfant qui en sort n'est pas blanc. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura un métissage, puis disparition. Et c'est ainsi. Où les experts du monde aujourd'hui savent que si la France n'accepte pas 300 000 étrangers de plus actifs par an pendant 30 ans, nous n'allons plus avoir les moyens de payer la retraite. Payer la retraite. L'INSEE vient donc de publier une étude qui montre l'ampleur des départs en retraite de la génération Baby Boom d'ici 2020. La plupart des trafiquants. Payer la retraite. Payer la retraite. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Des arabes. Les bordels, c'est l'endroit. Sur les incendies de cette nuit, pour nous ce n'est pas une surprise. Hein. Nous avons déjà des incendies depuis 2 semaines environ, il faut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante. Il nous avait dit que c'est une tradition bien ancrée chez nous. Quand on s'en va, on nettoie en mettant le feu. Il y a bien des gens qui sont peut-être dans ces migrants qui viennent d'arriver. Les futures montagnes. La musique nègre. La pute à nègre. Est très chargée de sexualité. Et ce site, démocratieparticipative.biz. Démocratieparticipative.biz. Ce sont des théories d'extrême droite. Jamais nous ne stigmatisons qui que ce soit, ni en fonction de ses origines ethniques, ni en fonction de sa religion, ni en fonction de son orientation sexuelle. Alors, dégénéré. Ordure, cosmopolite. Cette théorie du grand remplacement, c'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste au dernier degré, et qui consiste en fait à jeter de l'huile sur le feu et à entretenir un climat de guerre civile. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Chance, la France, chance, la France, la France est une immense chance. C'est le premier pays musulman d'Europe, mais aussi la première communauté juive et de la créolisation. Chance. C'est ça la colonisation, c'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. Nous les Blancs, profondément racistes. 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça ne s'efface pas comme ça. Nous Blancs, on doit aider le Noir à s'intégrer chez nous. La France est un pays profondément raciste. On doit aider l'Arabe à s'intégrer. froid, l'inégalité des races. Oui, bien sûr, c'est évident. La haine est un sentiment que j'ignore. Seulement, il y a un autre aspect des choses. Il y a la conscience raciale. Ça, c'est le racisme positif. Regardez le temps qu'il a fallu pour faire accepter à la religion catholique le fait qu'il y a une religion suprême pour chacun d'entre nous. Nous, c'est le métissage. Danielle Obono est une militante antiraciste et antisémite. Je vous rappelle quand même qu'on est ici, chez nous, nous les Français, nous les Blancs. Il faut ouvrir son cœur, ouvrir son cul aussi pendant qu'on y est. Mettez-vous ça dans le crâne, juif. Foutez le camp, rentrez chez vous. Merci. Si Hitler avait gagné la guerre, on n'en serait pas là. Ce que je viens de vous dire est l'expression de mes profondes convictions. Les femmes étaient maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin et qu'on ne pouvait pas les empêcher de porter un enfant pour autrui. De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre. À partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque. En réalité, tous les chefs d'État du monde, musulmans, je ne dis pas arabes, ne sont pas des chefs d'État laïques. Et quand ils disent qu'ils veulent être laïques, je dis qu'ils ne sont plus musulmans. Je vous décourage en ce qui concerne les miens, comme les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ce qu'il faut retenir de cette dramatique affaire, c'est qu'elle est l'œuvre d'un déséquilibré. Il ne s'agit absolument pas d'un acte terroriste. Il le dit dans sa déclaration irréponsable. Plusieurs témoins pourront vous le dire. Et pour me donner du courage, j'ai crié « Allahu Akbar ». Il indique qu'il n'a pas agi... poussé par une religion. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'odeur. Alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista. Antifa, antifa, antifa, antifa. Je vous demande de vous arrêter, je vous demande de vous arrêter. Je crois donc la France riche en même temps d'expériences participatives partout, de très nombreuses initiatives de ses citoyens qui sont tous sous pseudo démocratie participative.